Chapitre 31e. En arrivant à Paris, le premier soin de Rose fut de se procurer un costume d'homme. Elle avait porté plus d'une fois le travesti et n'était point gênée sous ses vêtements inusités. Elle s'occupa ensuite des heures de départ pour la Belgique et vit qu'elle aurait moins d'embarras de toute espèce en partant le lendemain matin. C'était une journée entière à passer à Paris. Cette perspective, qui eut la veille encore charmé la jeune femme, lui inspirait un véritable dépit. Les bonnes résolutions perdent souvent à n'être pas mises à exécution sur le champ. Quoique le fait matériel de son voyage restât définitivement arrêté dans l'esprit de Rose, la manière dont elle se présenterait à son mari n'était plus la même que la veille. Elle se décida d'abord à faire le voyage entier sous ses habits de jeune garçon qu'elle portait à merveille. Il se pouvait qu'André résistât à ses représentations, et dans ce cas, s'il était obligé de recourir à la fuite, elle serait moins reconnaissable sous ce déguisement. Peu lui importait qu'André la vit ainsi. On change de costume dans la première ville et l'on dépiste aisément les recherches. Avec son habitude de se grimer, elle était sûre de se faire autant de personnalité qu'elle voudrait. Il fallait employer cette journée, cependant. Elle se promena un peu partout, mais sans cette ivresse qui lui avait fait voir tout si beau lors de son dernier passage à Paris. Dans l'après-midi, lasse de marcher, elle prit une calèche et se fit conduire au bois de Boulogne. C'était un jour de noces. Et tout aux alentours de l'entrée du bois, les massifs étaient pleins de robes claires sur lesquelles se détachait la blancheur des mariés. Elle avait voulu aussi avoir son jour de noces. Elle l'avait eu. Et quelle triste journée. Ce lugubre mariage à la mairie de l'église, cette hostilité presque avouée, ce dîner solitaire avec André dans la salle à manger sombre, servie par Florence qui pleurait, Dieu sait pourquoi. Et le lendemain, la grande robe de satin blanc avec ses traînes de boutons d'oranger, maintenant écrasée, étendue sur la chaise longue comme un reproché éloquent, répétant par tous ses plis, toutes ses ruches, toutes ses fleurs, cette parole d'André, « Votre robe est trop belle !» Les noces l'exaspéraient. Elle renvoya la voiture et s'assit sur une chaise, le long de cette courte route incessamment sillonnée d'équipages qui va des lacs à la porte Dauphine. Là, elle reprendrait pied. Elle verrait quelques visages de connaissance. Elle trouverait peut-être à qui parler. Elle vit en effet beaucoup de visages connus, les uns appartenant à d'anciennes camarades qui avaient quitté ou allaient quitter le théâtre, devenus inutiles, pour un métier plus lucratif. Celles-là, dans leur somptueux équipage, celles-ci s'en tenant encore à la modeste Victoria, qui n'est d'ailleurs qu'un acheminement vers le grand luxe, quand on peut. D'autres figures étaient celles de ses camarades qui travaillaient encore. Fatiguées, celles-ci, par l'usage des cosmétiques et par l'éveil prolongé jusqu'au matin sur la brochure, pour préparer la répétition du lendemain. Celles-ci n'avaient pas d'équipage. Rose eut envie d'aller à quelques-unes d'entre elles, de leur dire « Je reviens, nous allons recommencer à travailler ensemble. » Mais une seconde réflexion lui indiqua que sûrement elle ne serait pas l'objet d'une ovation et elle resta immobile sur sa chaise. Les hommes connus étaient nombreux, mais pas un ne la reconnaissait. Pas un, à vrai dire, ne tournait les yeux de son côté. Sa modeste robe de laine et sa toque de voyage se perdait dans l'éclat des toilettes à la mode du jour. Un passant, cependant, la salua d'un air indécis et faillit retenir le cheval qu'il conduisait lui-même, mais elle détestait celui-là et feignit de regarder ailleurs. Le défilé continuait, mais s'accentuait déjà en sens inverse, c'est-à-dire qu'il se dirigeait plus de voitures vers Paris qui n'en venaient de ce côté, lorsque Rose pensa à rentrer. Elle se leva et fit quelques pas dans la direction de l'Arc de Triomphe. Son cœur était lourd comme une pierre. Tout la chagrinait, lui pesait. Une immense lassitude de la vie l'avait prise, au milieu de ce brouhaha discret, de bonne compagnie, si bien fait pour les heureux. Les pieds des grands chevaux de luxe qui tombaient en cadence sur le macadam lui semblaient piétiner son cœur. Quelle vie de bohème allait-elle mener? Femme déclassée, séparée de son mari, liée pourtant d'une façon indissoluble, elle aurait à lutter contre les curiosités les plus indiscrètes. Et lui, juste André, comment prendrait-il sa déclaration d'indépendance? Quelle lutte aurait-elle à soutenir? S'il la tuait, dans sa fureur, ne serait-ce pas un service qu'il lui rendrait? Un grand fracas de chaînes de métal froissées et heurtées se fit entendre derrière elle, tout près, rasant le trottoir. Elle se retourna pour regarder. Un cri de surprise s'échappa du grand Spider attelé de deux énormes chevaux qui s'arrêtèrent, piaffant sur place et faisant sonner leurs gourmettes. « Rose, à pied, montez donc !» Le groom était descendu et offrait respectueusement son bras à Rose pour l'escalade de l'équipage, presque aussi haut qu'un entresol. Et Saint-Chet, ses petits yeux brillants de joie et d'émotion, se penchait tendrement vers elle pour l'enlever. En un clin d'œil, elle fut assise auprès de lui. Le groom se percha derrière, les bras croisés, avec la plus stoïque indifférence, et le Spider roula rapidement vers Paris. « Rose, c'est vous, à pied !» répétait Saint-Chet, encore ému, mais tenant néanmoins d'une main ferme ces superbes coursiers, qui, connaissant leur devoir, déployaient toute leur grâce devant le public de choix de 6h30. « Vous, seul, ici !» Il aurait proféré bien d'autres exclamations, mais Rose l'arrêta à temps. « Seul, dit-elle, et incognito !» Il éclata de rire. « Incognito, elle est bien bonne. Il y a 5 minutes, je ne dis pas, mais à présent, assise à côté de moi. Et vous savez, ma chère, je suis un homme sérieux. Je ne promène que des femmes du monde. Et même, tenez, mon Spider, vous en avez les traînes. Ma parole d'honneur. Aussi, voyez comme on vous regarde. » C'était vrai. La simple toilette de laine que portait la jeune femme faisait ressortir sa beauté. Animée par la course et par l'émotion, car elle sentait qu'elle venait de faire une démarche irréparable, elle avait son teint des meilleurs jours. Ses yeux bleus brillaient d'un éclat froid, merveilleusement inquiétant, et ceux qui n'auraient pas regardé les superbes chevaux regardaient cette jolie femme simplement mise qui avait l'air d'une grande dame étrangère. « Saint-Chet ! » cria une voix. « Attends-nous !» Richelet, qui venait à leur rencontre, fit décrire un demi-cercle à son phaéton et se rangea près du Spider. « Où allez-vous comme cela ? » dit-il à Saint-Chet. « Où allons-nous ? » demanda celui-ci à Rose. « Où vous voudrez ? » répondit-elle. « Nous dînerons en garçon, quelque part, au grand air. »« Chez le doyen, » dit le Thomédon. « Amenez-nous du monde, Richelet, des gens bien. J'ai idée que nous nous amuserons. » Richelet fit signe qu'il avait compris et disparut. « Et votre mari ?» demanda enfin Saint-Chet, s'apercevant qu'il avait un peu oublié André. « En Belgique, » répondit Rose, qui serra les lèvres et fronça les sourcils. « Je vais le rejoindre demain. » Le brave garçon essaya de comprendre, mais c'était trop difficile. Il y renonça aussitôt. « Je veux rentrer au théâtre, » continua la jeune femme. « La vie que je mène m'ennuie. Mais si votre mari ne veut pas, il faudra bien qu'il veuille, » murmura Rose. « À propos, pourquoi m'avez-vous renvoyé le médaillon ? Vous m'avez fait de la peine, vrai ?» Elle le regarda entre les deux yeux. « Mon cher, » lui dit-elle de sa voix la plus nette, « je ne veux pas qu'on me traite comme une cocotte. J'appartiens au monde et j'entends lui appartenir toujours. Cela ne m'empêchera pas de rentrer au théâtre, mais je veux qu'on m'y conserve les égards qui me sont dus. » « Ce sera rudement difficile d'obtenir ça, » soupira Saint-Chet. « Après tout, vous savez, Rose, vous êtes un peu sorcière. Ma parole d'honneur, vous faites tout ce que vous voulez. Vous êtes capable de nous mener tous à la baguette, si ça vous prend. « Et je resterai honnête femme, » conclut Rose, flattée par la seconde partie de ce discours. « Ça sera rudement difficile, » allait répéter le brave garçon. Mais il eut assez de bon sens pour se mordre le bout de la langue. 2 minutes après, le prodigieux équipage s'arrêta près du restaurant Le Doyen, et Rose en descendit avec ce sang-froid qui ne la quittait qu'en présence du docteur Langlois.